Ézéchiel chapitre 43. Puis il me ramena vers la porte mentionnée ci-dessus, savoir, vers la porte qui regardait le chemin de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël, qui venait de devers le chemin de l'Orient, et le bruit qu'il menait, était comme le bruit de beaucoup d'eau, et la terre resplendissait de sa gloire. Et la vision que j'eus alors, était semblable à celle que j'avais vue, lorsque j'étais venu pour détruire la ville, tellement que ces visions étaient comme la vision que j'avais vue sur le fleuve de Chébar, et je me prosternai le visage contre terre. Puis la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait le chemin de l'Orient. Et l'Esprit m'enleva, et me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici, la gloire de l'Éternel avait rempli la maison. Et je louis s'adressant à moi du dedans de la maison, et l'homme qui me conduisait était debout près de moi. L'Éternel donc me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, et le lieu des plantes de mes pieds, dans lequel je ferai ma demeure pour jamais, parmi les enfants d'Israël, et la maison d'Israël ne souillera plus mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur fornication, mais plutôt ils souilleront leur haut lieu par les cadavres de leur roi. Car ils ont mis leur seuil près de mon seuil, et leur poteau tout joignant mon poteau, tellement qu'il n'y eut que la paroi entre moi et eux, et ainsi ils ont souillé mon saint nom par leurs abominations lesquelles ils ont faites, c'est pourquoi je les ai consumés en ma colère. Maintenant ils rejetteront loin de moi leurs adultères, et les cadavres de leurs rois, et je ferai ma demeure pour jamais parmi eux. Toi donc, fils d'homme, fais entendre à la maison d'Israël ce qui est de ce temple, et qu'ils soient confus à cause de leurs iniquités, et qu'ils en mesurent le plan. Quand donc ils auront été confus de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur entendre la forme de ce temple, et sa disposition, avec ses sorties et ses entrées, et toutes ses figures, et toutes ses ordonnances, et toutes ses formes, et toutes ses lois, et les écris, eux le voyant, afin qu'ils observent toute la disposition qu'il y faut garder, et toutes les ordonnances qui en auront été établies, et qu'ils les pratiquent. C'est donc ici la loi de ce temple, tout l'enclos de ce temple, sur le haut de la montagne, sera un lieu très saint tout alentour. Voilà, telle est la loi de ce temple. Mais ce sont ici les mesures de l'autel, prises à la coudée, qui vaut une coudée commune et une paume. Le sein de l'autel aura une coudée de hauteur, et une coudée de largeur, et son enclos, sur son bord tout alentour, sera haut d'une demi-coudée, ce sein sera le dos de l'autel. Or, depuis le sein enfoncé en terre jusqu'à la saillie d'en bas, il y aura deux coudées, et cette saillie aura une coudée de largeur, puis il y aura quatre coudées depuis la petite saillie jusqu'à la grande saillie, laquelle aura une coudée de largeur. Après cela il y aura l'ariel, aux deux quatre coudées, puis il y aura quatre cornes qui sortiront de l'ariel, et qui s'élèveront en haut. Et l'ariel aura 12 coudées de longueur, correspondant à 12 coudées de largeur, et il sera carré par ses quatre côtés. Mais chaque saillie aura 14 coudées de longueur, correspondant à 14 coudées de largeur à ses quatre côtés, et elle aura tout alentour, un enclos de demi-coudée, parce que chaque saillie aura un sein d'une coudée tout alentour, et les endroits par où on y montera regarderont l'Orient. Et il me dit, fils d'homme, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, ce sont ici les statuts de l'autel pour le jour qu'il aura été fait, afin qu'on y offre l'holocauste et qu'on y répande le sang. C'est que tu donneras aux sacrificateurs lévites, qui sont de la race de Tsado, et qui approchent de moi, dit le Seigneur, l'Éternel, afin qu'ils y fassent mon service, un jeune veau en sacrifice pour le péché. Et tu prendras de son sang, et on mettra sur les quatre cornes de l'autel, et sur les quatre coins des saillies, et sur les enclos alentour, et ainsi tu purifieras l'autel, et feras propitiation pour lui. Puis tu prendras le veau qui est le sacrifice pour le péché, et on le brûlera au lieu ordonné de la maison, au dehors du sanctuaire. Et le second jour tu offriras un bouc d'entre les chèvres, sans tare, en sacrifice pour le péché, et on en purifiera l'autel, comme on l'aura purifié avec le veau. Après que tu auras achevé de purifier l'autel, tu offriras un jeune veau sans tare, et un bélier sans tare, d'entre les brebis. Tu les offriras en la présence de l'Éternel, et les sacrificateurs jetteront du sel par-dessus, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Durant 7 jours tu sacrifieras chaque jour un bouc, tel qu'on sacrifie pour le péché, Et les sacrificateurs sacrifieront un jeune veau et un bélier sans tare, d'entre les brebis. Durant 7 jours les sacrificateurs feront propitiation pour l'autel, et le nettoieront, et chacun d'eux sera consacré. Après qu'on aura achevé ces jours-là, s'il arrive dès le 8e jour, et dans la suite, que les sacrificateurs sacrifient sur cet autel, vos holocaustes et vos sacrifices de prospérité, je serai apaisé envers vous, dit le Seigneur, l'Éternel.